Happy birthday to the cat, please. Putain, c'est malin ça. Mais non, mais c'est pas vrai, hein. Mon gamin, d'abord, c'est le copain mon fils, d'abord, hein, et c'est une pub qui est sur la droite de la page, de face du book. Merci Armanza, thank you, see you next time. Yes, French.